إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. نعم. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 47 dans l'explication de al-aqida, yani al-fatwa al-hamawiya al-kubra de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et on lit les explications aussi des ulama de yani cette fatwa al-hamawiya. Donc on est aujourd'hui, donc on commence, on est arrivé à l'endroit où Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il cite maintenant les paroles de yani al donc on a lu au dernier cours, c'était la parole de l'imam al-Khattabi. Au dernier cours, on a parlé des paroles de l'imam al-Khattabi, Abu Sulaiman al-Khattabi. Et à la fin, après avoir cité cette parole de l'imam al-Khattabi, il dit « Wa hakadha qala Abu Bakr al-Khatib al-Hafiz » في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. Donc il a dit que également Abu Bakr al-Khatib al-Hafiz, il a dit dans un livre qu'il a écrit, hein, que la voie des salafs c'était celle-là, c'est-à-dire d'affirmer ce que Allah a affirmé, de nier ce qui a été nié, et yani de ne pas faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création, et ne pas demander le commun des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va donner l'exemple de la parole de l'imam al-Khatib al-Baghdadi. Donc qu'est-ce qu'il a dit? وَقَدْ رَوَى الذَّهَبِي عَنْهُ ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فقال أخبرنا أبو علي ابن الخلال أخبرنا جعفر أخبرنا أبو الطاهر الحافظ أخبرنا محمد بن مرزوق الزعفراني أخبرنا الحفاظ يعني الحافظ أبو بكر الخطيب قال أما الكلام في الصفات أما الكلام في الصفات فأما روي منها في السنن الصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها أو على نعم ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، فقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى ضرب يعني ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. Donc on a vu cette parole là au dernier cours, c'est exactement la même parole que la parole de Abu Sulaiman al-Khattabi. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah il dit al-Khatib al-Baghdadi a dit la même parole que Abu Sulaiman al-Khattabi. Al-Khatib al-Baghdadi et Abu Sulaiman al-Khattabi, ce sont deux personnes, deux grands imams, différents, mais ils ont dit cette parole la même. Non. Bien sûr. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه نحوا منه من العلماء ما لا يحصى. Il dit, et cette parole que Al-Khatib, Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi a mentionné, elle a été retransmise par plusieurs d'entre les ulama, tellement que la parole en question a été reprise par plusieurs savants, qu'il y a un nombre, que c'est innombrable. Tu peux même pas les compter, tellement il y en a de nombreux savants qui ont répété cette parole. Il dit مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى ابن عمار السجزي وشيخ شيخ الإسلام وشيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي وأبو عثمان الصابوني وشيخ الإسلام و Abu Amr ibn Abdul Barr al-Namri Imam al-Maghrib wa ghayruhum. Donc il dit ici que de nombreux savants ont répété cette parole qu'on a expliquée au dernier cours, et il mentionne des imams parmi les ulama d'Ahl al-Sunnah, et parmi eux il cite l'imam Abu Bakr al-Ismaili. Non, parce qu'on va la revoir de toute façon après, tu vois. Puis de toute façon, on l'a vu plusieurs fois. La parole, c'est qu'est-ce que j'ai dit au début du cours, qu'on doit affirmer ce qui a été affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala et nier ce qui a été nié dans le Coran et dans la Sunna. Et on ne rentre pas dans le tashbih et le tamthil, c'est-à-dire on ne va pas faire ressembler Allah à sa création, et on ne va pas non plus tomber dans le takif, c'est-à-dire de chercher le commun. Hein, des attributs, puis commencer à essayer d'imaginer comment elles sont, ou des choses de ce genre. En gros, c'est ça la parole. Et que nous, on est entre la négation et l'affirmation. On affirme sans faire de tashbih, et on nie sans faire de ta'til. Donc c'est ça, en résumé, c'est ça ce qu'il explique. Et c'est ça la voix d'Ahl Sunnah al Jama'a à propos des attributs. Donc il mentionne Abu Bakr al-Ismaili. Et c'est qui? C'est Ahmad ibn Ibrahim ibn Ismail al-Jurjani al-Ismaili. Abu Bakr al-Shafi'i. Imam Ahli Jurjan. Shafi'i al-Madhab. Sahib al-Tasanif. قال الحاكم كان الإسماعيلي واحد عصره شيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء. انتهى كلامه. ولد سنة 77 و200 وتوفي في توفي 71 و300. Donc ça c'est un des grands imams d'Ahl al-Sunnah, l'imam Abu Bakr al-Ismaili. Son nom au complet, on l'a mentionné, c'est Ahmad ibn Ibrahim ibn Ismail al-Jurjani al-Ismaili. C'était l'imam de la ville de Jurjan. Et il était du madhab Shafi'i. Il a de nombreux écrits. Et Al-Hakim a dit à son sujet que l'imam al-Ismaili était unique à son époque. Était un des savants uniques à son époque. Il était le cheikh des savants hadith et des spécialistes du hadith, et le cheikh des fuqaha de son époque, et le plus respecté d'entre eux. Il était à la tête des savants de son époque. Et également, il avait des bonnes mœurs et du respect. Il était connu, il était respecté. Il est né en l'an 277. Et il est mort en l'an 371, rahimahullah. Et il a de nombreux écrits. Il dit wa min musannafatihi al-mustakhraj ala sahih al-Bukhari. Donc un de ses écrits c'est al-mustakhraj ala sahih al-Bukhari. Al-mustakhraj, c'est les hadiths qui sont rapportés, qui sont authentiques, mais qui ne sont pas rapportés par al-Bukhari et Muslim. Donc il y a des savants qui ont écrit comme ça des livres qui s'appellent Al-Mustakhraj. Ils rajoutent des hadiths qui ne sont pas dans Al-Bukhari et Muslim, mais qui respectent les mêmes conditions que celles de l'imam Al-Bukhari. Et il dit « Wa qad kana salafiyu li'tiqad » Il était de croyance salafi. Kama rawa anhu dhalika al-Zahabi. Donc l'imam al-Zahabi a dit ça à son sujet. Et il y a un livre qui a été publié justement sur la aqidah des imams et de Ahl al-Sunnah, et c'est écrit par l'imam Abu Bakr al-Ismaili. C'est un petit livre, yani, pas gros, mais il résume la aqidah d'Ahl al-Sunnah et la aqidah des salafs. Naam. Après, il mentionne qui, parmi les savants, l'imam al-Sijzi. L'imam Yahya ibn Ammar al-Sijzi. Et lui aussi, c'est un des grands savants. L'imam al-Sijzi, Yahya ibn Ammar, wa huwa Yahya ibn Ammar ibn Yahya ibn Ammar. Subhanallah. Il s'appelle Yahya, fils de Ammar, fils de Yahya, fils de Ammar. Ça veut dire, yani, ils ont gardé ce nom-là dans la famille, hein, de génération en génération. As-Sijistani, donc il vient de la ville de Sijistan. Abu Zakaria, c'est sa kunya, Abu Zakaria. Sakana Harra, wa hasun al-maw'idha, wa kana lahu qaboulun tammun bayna ahli baladihi. Donc il était quelqu'un qui yani, habitait à la ville de Harrat, et il était quelqu'un qui donnait de bonnes exhortations, hein, wa'iz, et il était accepté, les gens, il avait une bonne acceptation chez les gens de son pays, et il était très fort dans le tafsir. Wa qala lahu Abu Ismail al-Ansari, wa qala anhu Abu Ismail al-Ansari kana Yahya ibn Ammar ملكا في زي عالم. انتهى كلامه. Il dit Abu Ismail al-Ansari, il a dit à son sujet que Yahya ibn Ammar, il était comme un roi mais dans les habits d'un savant. Il était comme un roi mais dans les habits d'un savant. Et il dit وقال عنه الذهبي كان متحرقا على متحرقا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف إلا أنه كان له جلالة عجيبة. Donc il dit il brûlait les gens de bid'a et les jahmiya. C'était quelqu'un qui était yani très fort sur la sunna et il grillait les gens de bid'a et les jahmiya. Et il était même à un point qu'il dépassait même parfois la voix des salafiani dans la dureté qu'il avait envers eux. Et il avait une majesté incroyable. C'était quelqu'un qui était très respecté. وذكر عنه شيخ الإسلام أنه كان يذهب إلى ما ذهب إليه السلف في صفة الاستواء. وحكى إجماع السلف على أن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة وأنه فوق العالم. توفي بهرات سنة 22 و400. والسجزي بكسر السين وسكون الجيم نسبة إلى سجستان. أي نعم. وهذه النسبة على غير قياس. Donc Cheikh al-Islam il a dit à son sujet que Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a dit à son sujet qu'il suivait la voie des salafs au sujet des attributs d'Allah. Donc, au sujet de Al-Istiwa et des autres attributs. Et il a mentionné le consensus des salafs sur le fait que le Coran n'est pas créé. Ça, c'est la position des salafs. Et que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà et que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du monde. Au-dessus de la création. Donc tout ça, c'est les positions des salaf salih. Il est mort en l'an 422 de la Hijra, rahimahullah. Ça, c'est l'imam al-Sijzi. Sijzi, c'est par rapport à Sijistan. Il vient de la ville de Sijistan. Sijistan, c'est en Perse. Si je ne me trompe pas, c'est dans les pays de la Perse, c'est-à-dire l'Iran, la, yani ces régions-là, l'Iran, l'Afghanistan, c'est Pakistan, ces coins-là, yani Sidjistan, Inam, Kazakhstan, aussi les, toute cette région-là, c'est une région où il y avait plein de savants à cette époque. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas si c'est une ville qui existe encore ou non. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? نعم وقد نقل عنه الذهبي في العلو بعض ما أشار إليه شيخ الإسلام وقال الذهبي قال الإمام أبو زكريا يحيى بن عمار السجستاني في رسالته لا نقول كما قالت الجهمية إنه تعالى مداخل للأمكنة ومزاجج بكل شيد ولا نعلم أين هو بل نقول هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء انتهى كلامه. نعم. Donc c'est ça. Il a affirmé la position des salaf. Comme ça, ça a été rapporté par l'imam al-Dhahabi à son sujet. Donc ça c'est ça. Et je pense que si je me trompe pas, c'est le même As-Sijzi qui a écrit le livre dans lequel il affirme al-harf was-sawt. Al-harf was-sawt, et il réfute les Jahmiyyah, les Asha'ira aussi. Parce que les Asha'ira, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala parle sans voix et sans lettres. Que la parole d'Allah n'a pas de, elle est pas audible, c'est pas, elle a pas de son, elle a pas de lettres. Et lui, il les a réfutés, il a dit, il a affirmé que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a des lettres et, qu'elle est audible, qu'elle a des sons. Et qu'Allah a une voix, et qu'elle est audible aussi, qu'on peut l'entendre. Donc, non, mais ça, c'est les gens de Bid'a, ils nient les attributs d'Allah parce que c'est par rapport à leurs idées que si tu affirmes qu'est-ce que Allah a affirmé, eh bien, ça veut dire que tu fais ressembler le Créateur à la créature, puis donc ils veulent s'enfuir de ça, alors ils nient l'attribut, tu vois. Alors qu'il y a des hadiths clairs qui mentionnent que Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler, et le terme saut est mentionné aussi dans les hadiths, dans Sahih al-Bukhari. Qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va parler à la création, ils vont l'entendre et ils vont entendre sa voix. Et il y a plein de hadiths, il y a plein de versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à Moussa et Moussa l'entend et il lui répond. Donc, et que Allah subhanahu wa ta'ala va parler aux gens au paradis. Il va parler il a parlé à Adam et tout. Donc, c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala elle a la parole. Et aussi, on a le Coran. Le Coran, il est composé de lettres, et puis il est audible, on peut l'entendre. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé à Jibril, il a entendu le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. Moussa alayhi salam, et même le prophète Muhammad sallallahu alayhi sallam. Adam, Muhammad sallallahu alayhi sallam, naam, Muhammad sallallahu alayhi sallam. Il a entendu aussi Allah subhanahu wa ta'ala, naam. On peut même on se demande, est-ce qu'il croit même en Allah? Des fois, on se demande. Allah al-Musta'an. Non, c'est ça, c'est que eux, les gens de Bid'a, ils ont une choubha par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'ils disent qu'ils prennent pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté s'ils sont mutawatir, à propos de la aqidah. Donc, ils disent que nous, les questions de aqidah, on prend pas des hadiths, sauf s'ils sont mutawatir. Et ils ont établi une définition de mutawatir, c'est-à-dire pour eux, il y en a qui ont dit, il faut qu'il y ait au moins 40 personnes qui l'ont rapporté le hadith, sinon on ne l'accepte pas. Et d'autres qui ont dit, non, c'est pas 40, c'est 20. Et d'autres ont dit, non, c'est pas 20, c'est 12. Et d'autres ont dit, non, pas 12, c'est 4. Ils ne sont pas d'accord sur eux-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire le mutawatir, ça c'est déjà un point. Et il faut savoir que cette distinction entre ahad et mutawatir, ça a été inventé par les Mu'tazila. Et ils ont inventé ça justement comme une shubha ou un prétexte pour ne pas accepter les hadiths authentiques. Tandis que les gens de la Sunna, ils acceptent les hadiths qui sont ahad. C'est-à-dire, même s'il y a une seule personne qui a rapporté le hadith, mais du moment que le hadith est sahih, on est obligé de l'accepter et d'y croire, que ce soit dans les questions de fiqh ou dans les questions d'aqida, il n'y a pas de différence pour nous. D'accord? Mais eux, ils font cette distinction-là, c'est juste pour justement rejeter l'aqida et rejeter les points qui sont supportés par les hadiths dans ces questions-là. Et qu'est-ce qui est encore pire pour eux, par rapport à ces gens-là, c'est que même des ahadiths parfois qui sont justement mutawatir, hein, et eux ils les rejettent. Oui, ils les rejettent. En fait, c'est ça leur méthode. C'est que s'ils trouvent que c'est dans un hadith, ils vont dire est-ce que c'est mutawatir ou ahad. S'il est mutawatir, s'il est ahad, ils disent non, on ne l'accepte pas. Parce qu'il faut qu'il soit mutawatir. Et si on lui dit oui, il est mutawatir, alors là, ils vont essayer de déformer son sens. Pour dire que, on le prend pas dans ce sens-là, il faut l'interpréter d'une autre façon. Et c'est la même chose qu'ils font avec le Coran. Hein? Il dit, le Coran, il peut être interprété. Donc s'il y a un verset dans le Coran qui affirme quelque chose, puis eux, ils sont pas d'accord, ils vont le déformer. Comme ils ont fait avec les versets qui parlent des attributs d'Allah. Le fait qu'il est au-dessus de son trône, le fait qu'il parle, le fait qu'il est, par exemple, qu'il a une main ou qu'il a des yeux, ils vont dire non, les yeux ça veut dire ça, la main ça veut dire la force, la main ça veut dire la grâce, le fait qu'il soit sur son trône ça veut pas dire sur le trône, ça veut dire qu'il a pris le pouvoir sur le trône, et ainsi de suite. Donc c'est toujours la même histoire avec ces gens-là. Non, comme les chrétiens, exactement, et les koufars en général, les juifs et les chrétiens. يعني الشيخ يلزم سويت وشيخ الإسلام شيخ الإسلام de qui il parle ici c'est de Abu Ismail al-Sabouni. Abu Ismail al-Sabouni c'est un grand, non c'est ce cheikh Abu Ismail al-Ansari. Abu Ismail al-Ansari, on a déjà parlé de lui auparavant. Abu Ismail al-Ansari, il a dit on m'est venu avec l'épée. Je pense qu'il a dit 3 fois ou 5 fois. On est venu vers moi, on m'a menacé à la pointe de l'épée. Et chaque fois, on ne me disait pas, change de position, viens avec nous. Hein. Mais on me disait seulement, arrête de parler contre ceux qui te contredisent. Et je leur disais, je ne vais pas me taire. C'est-à-dire, il leur disait, il n'avait pas peur. Même si on lui venait avec une épée pour le menacer, pour lui dire, arrête de parler contre nous, il disait non, je ne vais pas me taire, je vais continuer à dire la vérité, hein? Donc alhamdulillah, c'était un grand savant et il était très fort et très courageux contre les gens de Bid'a. Abu Ismail al-Sabouni, c'est lui qui a écrit le livre Aqidatu Salaf wa Ashab al-Hadith, un très bon livre, et plusieurs ulama ont fait le charh de ce livre. Il est très très très fort dans l'aqida, dans le manhaj. Il s'appelle Ismail ibn Abdurrahman ibn Ahmed ibn Ismail Abu Uthman al-Sabouni, Cheikh al-Islam. Kana min suyuf al-Sunna, shadidan ala ahli al-bid'a, wa qad bara'a fi al-tafsir wal-hadith wal-wa'z. Regardez la description qu'on fait de lui. On dit, son nom c'est Ismail ibn Abdurrahman ibn Ahmed ibn Ismail Abu Uthman al-Sabouni, Cheikh al-Islam. Il faisait partie des épées de la Sunna. Il faisait partie des épées de la Sunna. Et on dit de lui qu'il était dur avec les gens de Bid'a. Et quand on dit qu'il était dur avec les gens de Bid'a, c'est pour le glorifier. C'est pour parler. C'est comme une éloge qu'on lui fait. Aujourd'hui, si tu dis à propos de quelqu'un, lui il est dur avec les gens de Bid'a, les gens ils prennent ça comme si c'était un défaut. Hein? Comme si c'est un défaut. Ah, il est trop dur. Alors qu'à l'époque des salafs, quand on disait d'un savant, il était dur avec les gens de Bid'a, c'était pour le glorifier, pour dire, mashallah, ça c'est quelqu'un qui était fort dans sa religion, qui était fort contre les gens de Bid'a, il défendait la vérité. Et il dit « وَقَدْ بَرَعَ فِي التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ » Aujourd'hui, les gens, quand on parle de Cheikh Rabi' ou bien de Cheikh Ubaid ou d'autres grands savants comme ça qui réfutent les mubtadi'a et qui sont durs contre eux, les gens les critiquent justement, ils disent « Ah, il est trop dur. » Et à l'époque, c'était au contraire. Quand tu disais ça d'un savant, c'était yani, une des choses qui faisait, yani, qui élevait son degré et son statut dans la science et dans la religion. Yani. Il dit, wa qala anhu Abu Malik, Abu Abdullah al-Maliki, Abu Uthman, ممن شهدت له أو شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير انتهى كلامه. Donc Abu Abdullah al-Maliki, il a dit Abu Uthman, il fait partie des gens pour qui les hommes ont témoigné de sa perfection dans la mémorisation et dans le tafsir. وقال البيهقي حدثنا إمام المسلمين حقا شيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني. Donc Al-Bayhaqi, il parle de As-Sabuni, il dit yani, l'imam des musulmans en vérité nous a dit, hein, Cheikh l'Islam en véridiquement Abu Uthman As-Sabuni nous a dit, il nous a transmis, hein, donc il parle de lui en le décrivant comme ça. Et l'imam Al-Dhahabi, il a dit, qala anhu wa laqad kana min a'imati al-athar وله مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه مصنف إلا واعترف به ما رآه منصف إلا واعترف به انتهى كلامه. Il a dit, l'imam al-Dhahabi, il faisait parmi des imams, il fait partie des imams de la transmission et de la yani des hadiths, et il a un livre qu'il a écrit à propos de la sunna et de la croyance des salafs. Il a dit, il n'y a personne qui voit ce livre-là et qui est une personne honnête et juste, excepté qu'elle va le reconnaître. C'est-à-dire qu'elle va reconnaître de lui que c'était un imam et qu'il était réellement un imam. Et il est mort en quelle année? En l'an 447 de la Hijra. ومن مصنفاته الذي أشار إليه الذهبي عقيدة السلف وأصحاب الحديث. J'ai déjà fait un cours avec ce livre-là. Une fois, on l'avait expliqué ce livre quand j'étais parti en Belgique. Je pense que c'était en 2007. J'étais parti en Belgique et j'avais lu ce livre-là pour les frères. Et Inch'Allah, on va le faire. Si un jour on a la chance, on va lire le charh de ce livre-là. Cheikh Rabi', il a un charh de Aqidatu Salaf wa Ashab al-Hadith, il est très très fort. Donc si on a l'occasion, on va le faire. J'ai déjà expliqué des parties de son charh en anglais pour les frères de Troy à quelques reprises. Donc Inch'Allah, si on a l'occasion qui se représente encore une fois, on le fera cette fois-ci en français. Et donc, qui d'autre encore? L'imam Ibn Abd al-Barr al-Namri. On a déjà mentionné qui il était. Donc, Khair Inch'Allah. Donc, tous ces savants-là, ils ont rapporté la même parole qu'est-ce qu'il a mentionné al-Khatib. Yani Abu Sulaiman al-Khattabi et al-Khatib al-Baghdadi. Maintenant, on va maintenant lire la parole de celui qui a été cité ensuite par Ibn Taymiyyah. C'est les paroles de Abu Nu'aym al-Asbahani dans son livre Al-Hilya. Donc il dit, wa qala Abu Nu'aym al-Asbahani sahib al-Hilya fi aqidatin lahu fi awwaliha yaqul qal tariqatuna طريق المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. Donc ça c'est la parole de l'imam Abu Nu'aym al-Asbahani. Donc qu'est-ce que ça signifie? Premièrement, qui était Abu Nu'aym al-Asbahani? On va lire juste la définition, la biographie. Abu Nu'aym al-Asfahani huwa Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Ishaq ibn Musa al-Mahrani al-Asfahani wa kana min al-Huffaz al-Kibar muhaddith waqtihi. Qala anhu al-Dhahabi rahilat al-Huffaz ila babihi li'ilmihi وحفظه وعلو إسناده. انتهى كلامه. وقال عنه شيخ الإسلام بعد أن ذكر شيئا من مؤلفاته: من أكبر حفاظ الحديث ومن أكثرهم تصنيفات وممن انتفع الناس بتصانيفه، وهو أجل من أن يقال له ثقة، فإن درجته فوق ذلك. انتهى كلامه. توفي سنة 30 و400، وقد بلغ من العمر 94 سنة، وصنف المصنفات الكبار، ومنها أعظمها حلية الأولياء وذكر أخبار أصفهان والمستخرج على الصحيحين وصفة الجنة. Donc qu'est-ce qu'il dit à son sujet, Abu Nu'aym al-Asfahani? Il dit son nom, après ça il mentionne que c'était un parmi les plus grands mémorisateurs du hadith. Et il était le muhaddith de son époque. L'imam al-Dhahabi a dit, les gens ont voyagé pour venir jusqu'à chez lui, parmi les mémorisateurs de hadith sont venus jusqu'à chez lui, hein, vers sa porte, pour sa science et sa mémorisation, et pour son isnad, sa chaîne de transmission qui était élevée. Intaha kalamuh. Et l'imam Cheikh al-Islam, après avoir mentionné quelques-uns de ses écrits, il a dit il était un des plus grands mémorisateurs du hadith, et celui d'entre eux qui avait peut-être le plus de livres. Et les gens ont profité de ses écrits, et il est plus grand que... C'est-à-dire que il dit qu'il est plus grand qu'on puisse dire à son sujet qu'il était fiable. C'est-à-dire qu'il était plus que ça encore. Hein? De dire fiable à son sujet, c'est dire peu. Et parce que son degré était au-dessus de ça. Hein? Ça, c'est la fin de la citation. Il est mort en l'an 430. Et il avait, à l'âge de sa mort, 94 ans. Rahimahullah. Hein? Donc, c'était un grand savant. Et il avait de nombreux écrits. Donc c'est ça. Donc, par contre, il y a des choses qui ont été mentionnées à son sujet, qu'il penchait vers la voie des Asha'ira. Et ça, c'était au début de sa vie. Puis qu'à la fin, il est revenu de ça. Puis qu'il avait interprété certaines... Il avait déformé le sens de certains attributs. C'est pour ça que certains ulama considéraient qu'il était sur la voie des Asha'ira. Hein? Et puis qu'il est rentré rentré un peu dans le tasawwuf, dans le soufisme. Je ne sais pas s'il est revenu surtout, mais là il dit ici « ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ. Ça c'est Ibn Kathir qui a rapporté ça. Eh oui, parce qu'il dit l'imam Ibn al-Qayyim, il a rapporté, l'imam al-Dhahabi, il a rapporté sa aqida, et il contredit le madhhab des Asha'ira, parce qu'il affirme plusieurs attributs qui ont été niés par les Asha'ira. Donc c'est possible qu'il penchait un petit peu vers leur voie au début de sa vie, puis que par la suite il est revenu de ça. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, Al-Asfahani, il vient sûrement de l'Iran, dans ces régions-là, parce que Asfahan, c'est une ville qui existe encore aujourd'hui en Iran. Donc ça, c'est à propos de l'imam Abu Nu'aym al-Asfahani. Donc qu'est-ce qu'il dit dans cette risale qu'on a lu tout à l'heure? Il dit notre voix. Hein, il dit notre voix. Et la voix de ceux qui suivent le Coran et la Sunna et le consensus de la Umma. Le consensus de la Umma. Et les plus grands consensus, comme Cheikh Mohamed Aman il explique, le plus important des consensus, c'est le consensus des Sahaba. Le consensus des Sahaba. Puis ensuite, le consensus des Tabi'in. Hein? Ensuite, le consensus des tabi'in. Ça, c'est les plus importantes formes de ijma. Après, le cheikh, il dit, alors il a dit, et parmi les choses qu'ils ont cru, c'est-à-dire parmi les choses que les salafs ont cru, ou ont eu comme croyance, c'est que les hadiths, hein, que on a affirmé de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du trône, au sujet de, du fait que Allah est élevé au-dessus de son trône, eh bien, ils l'ont affirmé, ils l'ont dit eux aussi. C'est-à-dire, ils ont affirmé, ils ont dit ces attributs-là eux aussi. Et ils les ont affirmés sans faire de taqif, c'est-à-dire sans demander le commun, sans faire de temthil, c'est-à-dire sans chercher à faire de comparaison ou de ressemblance entre le Créateur et la créature. Et que Allah subhanahu wa ta'ala est séparé de sa création et que la création est séparée de lui. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas mélangé avec sa création. C'est ça ce qu'il dit. Parce qu'il n'est pas, il n'est pas mélangé dans sa création et n'est pas yani à l'intérieur de sa création. Et il est élevé au-dessus de son trône, hein, au-dessus des cieux, et yani, et il n'est pas sur la terre et yani dans sa création. Et donc ça, c'est pour réfuter les gens de bid'a comme les Jahmiyyah qui disent que Allah est mélangé avec sa création, ou qui croient en Wahdatul Wujud ou en Al-Hulul, hein, ou que il y en a des choses de ce genre. Non, au contraire, ils affirment, les gens de la Sunna, ils affirment que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône et qu'il n'est pas mélangé à sa création, qu'il est séparé de sa création. Naam. Donc ça, c'est la première citation de Abu Nu'aym. Et on va voir ici s'il y a quelque chose qui a été mentionné. الشيخ صالح الشيخ الذي بائن من خلقه وهم بائنون منه فسرها بقوله لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم. هذا التفسير صحيح. فإن قول السلف بائن من خلقه يعني عدم الحلول وعدم الامتزاج. وهذا فسرها بعضهم بقوله بائن من خلقه بحد، يعني أن هناك حدا يمنع حلوله جل وعلا في خلقه أو اختلاطه في خلقه، بل هو جل وعلا بائن منه لا يختلط بهم جل وعلا، ذاته لا تختلط بذواتهم ولا يحل جل وعلا في شيء منهم. والحلول هنا المنفي ما يشمل نوعي الحلول العام والخاص. Donc il dit que c'est, wa alaykum salam wa rahmatullah, il dit que ce que Abu Nu'aym a dit, c'est correct quand il dit que il est séparé de sa création et que eux sont, la création est séparée de lui. Et ça a été interprété par certains comme étant ça a été interprété par l'imam Abu Nu'aym en disant qu'il n'est pas à l'intérieur de ses créatures et il n'est pas mélangé à eux. Et donc ça, c'est une interprétation qui est correcte, et yani c'est une parole même des salafs, parce que les salafs disent que Allah subhanahu wa ta'ala est séparé de sa création, c'est-à-dire qu'il n'est pas qu'il n'entre pas à l'intérieur de sa création et qu'il ne se mélange pas à sa création. Et certains ont dit qu'il est séparé de sa création avec une limite, c'est-à-dire que il est séparé par une limite qui empêche le mélange justement entre lui et sa création, ou le mélange entre lui et sa création, et qu'il est séparé de sa création. Bon. Donc c'est ça qu'il mentionne ici. Et ici, quand on parle de al-hulul, il dit c'est al-hulul qui est dans les deux catégories de hulul, le hulul général et hulul particulier. Al-hulul al-khas ou al-hulul al-am. Al-hulul al-am, al-hulul al-khas. Al-khas, c'est quoi? Les soufis, ils croient en deux formes de hulul. Al-hulul al-khas, c'est-à-dire qu'ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala, il entre dans certaines créatures, pas mélangé avec toute la création, mais avec certaines créatures seulement. C'est-à-dire que eux, pour eux, par exemple, quand ils ont un cheikh, et qu'il croit que ce cheikh-là, il a atteint un certain degré de piété et qu'il a fait des exercices spirituels au point où il a perdu la notion de yani, la réalité. Il s'est fusionné avec hein, l'être divin, il est devenu un avec Dieu. Ça, c'est ce qu'ils prétendent. Hein? Et yani, à force de faire des jeûnes, à force de s'isoler dans des grottes, ou de rester dans des monastères, de faire des dhikrs et de yani, faire les dhikrs qu'ils font, les soufis, parfois avec les mouvements là, qu'ils font. Je ne sais pas si vous avez vu les cérémonies qu'ils font lorsqu'ils font leurs dhikrs. Oui, le houhou, mais il n'y a pas juste le houhou qu'ils font. En plus, il y a les mouvements qu'ils font en même temps qui font que parfois, en se jetant en avant, en arrière, ou bien à côté, à gauche, à droite. Des fois, en faisant ça, à force de le faire, le sang qui monte à la tête, des fois, ça, yani, ça les fait tourner. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est ça. Des fois, ils séparent la ilaha illallah, ils séparent en deux. Il y en a qui vont dire, par exemple, 1000 fois la ilaha, puis l'autre fois, ils vont dire, l'autre fois, ils vont dire illallah. Il y en a un soufi, une fois, on lui avait demandé, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu sépares la ilaha puis illallah? Il a dit parce que j'ai peur que si je meurs en disant la ilaha puis que j'ai pas le temps de compléter, que je vais mourir dans le coffre. Donc, il y a n'importe quoi. Il y a un cheikh qui a répondu à ça. Il a dit si tu supposons que tu dis la ilaha illallah puis que en plein milieu tu meurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ton intention. Il sait que ton intention c'était pas de nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et que tu voulais le dire au complet mais que tu es mort en plein milieu. Donc c'est n'importe quoi, yani. Non. Donc ensuite de ça, on va lire la deuxième parole de l'imam Abu Nu'aym. Zannaq mujtamilun ala isbat istiwa'illahi ala arshi. Bon, Abu Nu'aym, il dit aussi dans un autre livre qu'il a écrit, il dit قال الحافظ أبو نعيم في كتاب في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستو عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى له العرش المستوي عليه الكرسي الذي وسع السماوات والأرض هو قول وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه جسم والسماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاه ليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Donc ça c'est la fin de la parole de l'imam Abu Nu'aym dans ce livre qu'il a écrit qui s'appelle, comme on a dit, Mahajjatul Wathiqin wa Madrajatul Wamiqin. Donc il a dit qu'ils se sont mis tous d'accord, c'est-à-dire les salaf, les pieux prédécesseurs, ils sont tous d'accord que Allah est au-dessus de son trône, élevé sur son trône, et yani, qu'il s'est yani, élevé au-dessus. Ça c'est tout ça. C'est des choses qui veulent dire la même chose. Ils se sont mis d'accord que Allah est au-dessus de son trône, au-dessus des cieux. Ils se sont mis d'accord que Allah est au-dessus des cieux, élevé au-dessus de son trône et yani sur son trône. Donc yani alin ala arshihi mustawin alayhi. Tout ça alin alayhi mustawin alayhi, c'est des synonymes. Ça veut dire la même chose. La mustawin alayhi kama taqulu al-jahmiyya, c'est-à-dire il n'est pas élevé sur le trône de la même manière que les jahmiyya qui prétendent qu'il est partout. Hein? Ils disent Allah est partout. Ils disent ça c'est faux. C'est en contradiction avec ce que Allah a révélé dans son livre lorsque Allah a dit a'amantum man fis sama. C'est-à-dire êtes-vous en, est-ce que vous êtes en sécurité? Yani, c'est quoi le verset encore? A'amantum man fis sama. À chaque fois pour le traduire, je le dis pas de la même façon. Donc là, je vais vérifier. C'est dans Surat Al-Mulk. Hein? Dans Surat Al-Mulk, le verset A'amantum man fis sama. Êtes-vous à l'abri? A'amantum. Amintum, ça vient de aman. Al-aman qui veut dire de se sentir en sécurité ou d'être à l'abri, hein, d'être protégé ou d'être en sécurité. Donc, est-ce que vous vous sentez à l'abri? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vous sentez protégé? Yani, contre Allah, celui qui est dans les cieux. C'est ça que ça veut dire le verset. Amintum man fis sama an yakhsifa bikum al-ard. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ou à l'abri, que celui qui est aux cieux vous enfouisse dans la terre? Et dans l'autre verset, est-ce que vous êtes à l'abri ou est-ce que vous vous sentez à l'abri que celui qui est dans les cieux envoie contre vous, hein, des pierres sur votre tête? Donc c'est pour dire, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé dans les cieux, au-dessus de son trône. Hein? Et il dit ensuite, donc ilayhi yas'adu al-kalim at-tayyib, c'est-à-dire c'est vers lui que s'élève la bonne parole, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé et au-dessus de sa création, puisqu'il dit que la bonne parole s'élève vers lui. Également le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, le verset 5 dans sourate Taha, dans lequel Allah dit ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa, c'est-à-dire le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Donc ça c'est une autre preuve encore une fois qu'il est au-dessus de son trône et au-dessus de son coursi, et le coursi il est plus large que les cieux et la terre. Et c'est comme dans le verset dans Ayat al-Kursi, verset 255 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et son coursi, on dit le coursi c'est l'endroit où on pose le pied, hein, par rapport au trône, le coursi c'est l'endroit où on pose le pied par rapport au trône. Donc le coursi est plus large que les cieux et la terre, et il dit son coursi c'est un corps, hein, c'est quelque chose qui est plus vaste que les cieux et la terre. Il dit que les cieux, les sept cieux et les sept terres par rapport au coursi c'est comme un bracelet qu'on jetterait dans le désert. Donc pour dire que le coursi, yani, par rapport aux cieux, c'est-à-dire les cieux, les sept cieux et les sept terres par rapport au coursi, c'est comme un bracelet qu'on jetterait dans le désert, pour dire que les cieux et la terre sont infiniment petits par rapport au trône, par rapport au coursi, pardon. Et donc c'est pour dire que le coursi est immense. Et le cheikh il explique que le coursi d'Allah ce n'est pas sa science. Le coursi d'Allah ce n'est pas sa science, contrairement à ce que disent les jahmiyyah, parce que les jahmiyyah parfois ils déforment le sens des choses. Ils disent le coursi c'est la science d'Allah. Non, c'est pas vrai, c'est pas la science d'Allah. Le coursi c'est le coursi, c'est l'endroit où on pose le pied par rapport au trône, hein, par rapport au arche. Donc c'est en dessous du arsh. Et Allah subhanahu wa ta'ala va mettre son trône au jour de la résurrection pour juger entre sa création, comme c'est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection il va juger entre ses serviteurs, et qu'il va venir, hein, et que les anges vont être en rang, hein, rang par rang, hein. Les anges vont, Allah subhanahu wa ta'ala va venir et les anges vont venir rang par rang. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va venir au jour de la résurrection. Bien sûr, Allah est plus grand que... Déjà, le trône est plus grand que le coursi. Le coursi, si tu dis que le coursi c'est un bracelet, regarde, le coursi, si tu compares l'essuie à la terre au coursi, c'est comme si l'essuie à la terre c'est comme un bracelet que tu jettes dans le désert. Le coursi, lui, il est plus petit que le arche. Le arche, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus haute des créatures et la plus grande de toutes les créatures. Elle est au-dessus des sept cieux. Le trône, oui, au-dessus du coursi. Le coursi, c'est quoi? C'est l'endroit où on pose le pied par rapport au trône. C'est-à-dire que le arche, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. Et le arche, tu sais c'est quoi un trône? Hein? Bon, les rois dans cette vie, les rois, ils ont des trônes, n'est-ce pas? D'accord? Et le coursi par rapport au trône, c'est quoi? C'est l'endroit où on pose les pieds. D'accord? C'est ça le coursi. Naam, exactement. Et donc, ça c'est pour te faire comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est au-dessus de son trône, au-dessus du coursi et du trône. Naam, au-dessus de tout. D'accord? Et donc ça c'est pour voir que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que tout. Même que au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend les cieux et la terre et il en fait une poignée dans sa main droite. Donc c'est comme Abdullah ibn Abbas, il a dit, c'est comme un grain de sel dans la main de l'un d'entre nous. L'univers entier pour Allah, c'est comme un grain de sel dans la main de l'un d'entre nous. Toi, tu ramènes des questions, hein? Écoute, Inch'Allah, si tu meurs sur la foi et sur l'islam, et que tu rentres au paradis, tu demanderas à Allah subhanahu wa ta'ala toutes les questions que tu veux. Ok? Non. Il va te répondre, Inch'Allah. Et il dit wa annahu ta'ala wa taqaddas yaji'u yawm al-qiyama li fasl al-qada. Donc il va venir juger entre ses serviteurs. Non, mais il y a des choses qu'on ne peut pas savoir parce que Allah ne nous a pas dit dans le Coran ou dans la Sunna. Donc on doit s'arrêter à qu'est-ce qu'on a comme connaissance, tu vois. On ne peut pas dépasser qu'est-ce qu'on ne sait pas, yani. Donc, au jour de la résurrection, au paradis, si on a la possibilité de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner des réponses, peut-être il va nous. Hein? Si on réussit à arriver au paradis par la grâce d'Allah, ce sera déjà suffisant pour nous. On pensera probablement pas à ce genre de choses. Après, il dit. Et de toute façon, il y a tellement de choses qui existent même dans cette terre, qui sont là et qu'on ne les voit pas. Et on ne va peut-être jamais les découvrir, tu vois. Il y a une époque où les gens ne savaient pas qu'il y avait des bactéries, des microbes, des trucs comme ça. Ils n'avaient pas encore trouvé des appareils pour voir petit. Et maintenant, on sait que c'est des choses qui existent, tu vois. Donc... Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rabbul Alamin. Il est le Seigneur des mondes. D'accord. Il vous a donné une science. Allah vous a donné juste un peu de science. Allah subhanahu wa ta'ala dit junuda rabbika illa hu. Personne ne connaît les armées de ton Seigneur excepté lui. On ne sait pas. Hein? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? On ne sait pas. Non, c'est ça, oui. Ah ouais. Il y a des gens qui en découvrent, encore aujourd'hui, on découvre des nouvelles espèces d'animaux aujourd'hui. Sahih. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit dans le Coran, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Donc il continue à créer tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque jour, il fait quelque chose, non. Eh non, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à créer des choses nouvelles à chaque fois. Bien sûr, tout le temps, subhanallah. Après, on est arrivé donc. Oh oui, il dit donc, il pardonne à qui il veut de ses serviteurs qui ont commis des péchés. Et il châtie qui il veut. Hein? Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Donc, on va lire maintenant les explications à ce sujet. Qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Il dit « وهذا النقل مشتمل على إثبات استواء الله على عرشه وأنه ليس بمعنى الاستيلاء وأن قول الجهمية إن العرش ليس عليه استواء من الرحمن جل وعلا وإنما هو سبحانه في كل مكان يعني فهذا باطل وهذا باطل لأن استواء في اللغة بمعنى على وارتفع ارتفاعا خاصا ويكون معناه أيضا على وارتفع واستقر وجلس كما في قوله جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني إذا علوتم عليه وارتفعت ثم استقررتم عليه وجلستم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك استوى عليه يعني ارتفع عليه وهذا يعني الاستواء على العرش دلت عليه الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة. Donc le cheikh il explique que donc il y a dans la parole qu'on a lue de l'imam Abu Nu'aym l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé au-dessus de son trône. Et que ça ne veut pas dire comme les Jahmiya ou bien les Asha'ira ou ceux qui les suivent que Allah a conquis le trône. Eux, ils disent pas istawa, ils disent istawla. Istawla. Et justement, hier, le frère Ali Kamara, il a trouvé un tafsir. Il y en a qui l'a reçu, je ne sais pas où il était, peut-être quelque part, puis il a trouvé ce tafsir dans une mosquée ou quelque part, et il m'a envoyé même la photo, il a pris la photo de la page du verset dans Surat Taha. Et non, c'est pas Ali Kamara, c'est Ali Mu'min, le frère Ali Mu'min. Et il a trouvé donc cette page de Coran avec un petit tafsir à côté. Puis dans le petit tafsir, tu vois ici le verset Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. Puis ils ont interprété Hey, ils ont dit Hey, Ar-Rahman istawla 'ala 'arshi mulkihi bi kayfiyatin la ya'lamuha illa hu. Donc ça c'est un exemple des yani interprétations des Asha'ira, des gens de bid'a. Ça on l'a trouvé à Montréal. Istawla, ça c'est l'interprétation des Asha'ira. Eux ils disent, au lieu de dire istawa, ils disent istawla. Et istawla, ça veut dire que Allah a pris le contrôle ou a pris le pouvoir, il a conquis son trône. Et les ulama, ils ont dit, ça implique quoi? Ça implique qu'il y aurait quelqu'un avant Allah qui aurait pris le contrôle du trône ou conquis le trône. Et ça, c'est batil. Et il avait perdu, puis là, il l'a repris. Donc ça, c'est un Coran qu'ils ont trouvé dans une mosquée ici, pas loin de chez lui, ici à Montréal, qui vient de l'Égypte. Donc c'est une interprétation des Asha'ira. Parce que vous savez que la Azhar, c'est une université qui enseigne la Aqida Ash'ariya, qui découle de la Aqida des Jahmiya. Ok, donc c'est ça, c'est des exemples de la fausseté, de l'égarement de cette aqida. Et une autre chose aussi, c'est que il y en a qui interprètent aussi l'istiwa par al-haymana ou bien al-istila ou des choses comme ça. Ça veut dire tout ça, ça veut dire le pouvoir. Et les ulama ils disent si ça voudrait dire qu'il a pris le pouvoir du trône. Yani Allah il n'a pas le pouvoir sur le trône seulement, il a le pouvoir sur toute chose. Donc pourquoi mentionner qu'il aurait pris le pouvoir sur le trône? Ça ne voudrait pas dire quelque chose de sensé. C'est comme si Allah il a le... Oui, si tu dis... Oui, ça c'est une déjà une chose, on a déjà expliqué que ça c'est faux, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de rival, il n'y a pas quelqu'un qui s'oppose à lui ou qui peut prendre quelque chose d'Allah que Allah ne veut pas qu'il prenne, hein? Déjà ça c'est batil. Mais en même temps, supposons que on a mis ça de côté, c'est-à-dire dans le sens que ok, ça on est d'accord que ça c'est faux déjà. Maintenant, supposons que ça voulait dire vraiment que Allah a le pouvoir sur le trône. Pourquoi spécifier qu'Allah a le pouvoir sur le trône alors qu'il a le pouvoir sur toute chose? Ça ne veut rien dire, hein? Donc ça n'a pas de sens. Et donc c'est pour ça que ici on voit clairement que Allah subhanahu wa ta'ala veut spécifier qu'il est au-dessus du trône, parce que le trône est la plus élevée de toutes les créatures. Donc s'il est au-dessus de son trône, il est au-dessus de toute chose et il n'y a rien au-dessus de lui. Donc ça c'est spécifique et c'est clair. Et donc il explique que les Jahmiyyah, eux, ils prétendent également que Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout. Et de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est partout, ça c'est batil, c'est faux. Parce que le mot arabe istawa, ou le verbe plutôt istawa, dans la langue arabe, ou bien istiwa, ça veut dire s'élever, hein, ou monter, ou être au-dessus de quelque chose, s'élever. Ça c'est la signification dans la langue arabe. Et parmi les significations du terme istawa aussi, ça peut vouloir dire donc s'élever, monter, c'est s'installer ou s'asseoir sur quelque chose. Ça c'est les significations. Et il mentionne un verset dans Surat al-Mu'minun, le verset 28, lorsqu'il parle de l'arche. Le verset 28 dans Surat al-Mu'minun, lorsqu'il parle de l'arche de Noé, le bateau que Noé a écrit. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Nuh alayhi salam, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ, ça c'est le verbe istawa, hein? Mais il y a le ta, hein, de mukhatab qui est rajouté à la fin. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ, donc lorsque tu vas monter sur ton, toi ainsi que ceux qui sont avec toi sur le bateau, d'accord? Ça veut dire lorsque vous allez monter, vous élevez sur le bateau, vous installez sur le bateau, vous asseoir sur le bateau. C'est ça ce que ça signifie. Il y a aussi un autre verset qui mentionne le verbe istawa. C'est dans Surat Az-Zukhruf. Et ça, je suis sûr, vous avez tous entendu le doua quand vous montez sur la, soit dans votre voiture ou sur une monture, vous dites un doua, hein? Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ce doua, il est écrit dans le Coran, dans Surat Az-Zukhruf. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le verset. Le verset 13 et 14. D'accord? Bon, on va lire 11 aussi. 11. Surat Az-Zukhruf, le 43, l'ornement. Donc, qu'est-ce que ça dit le verset? Ça dit Alladhi khalaqa al-azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wa l'an'ami ma tarkaboun. Litastawu, ça vient d'istiwa, hein? Litastawu ala zuhurihi, hein? Oui, yani, ça vient du verbe istiwa. Istiwa, on a dit, ça veut dire s'élever, s'installer, monter au-dessus de quelque chose, d'accord? Litastawu ala zuhurihi, thumma tazkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum. Encore une fois, le verbe istawa est employé. إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire c'est celui qui a créé les couples dans leur totalité et a fait pour vous des vaisseaux, c'est-à-dire des bateaux et des bestiaux, c'est-à-dire des animaux, pour monteurs, okay, comme des monteurs, afin que vous vous installiez. Donc ils l'ont traduit ici « istiwa » par « installer ». Mais ça veut dire que vous montiez sur leur dos, que vous vous installiez, vous asseyez, ou que vous montiez sur leur dos, et qu'ensuite, après vous y êtes élevé, ou après être monté dessus, ou après vous êtes installé, ils ont traduit par le terme « istaqarra ». Ça, c'est une des définitions du terme « istawa »,« istaqarra ». Mais aussi, ça peut être « monté » ou « s'élever ». Vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et que vous disiez « Gloire à celui qui nous a soumis tout cela alors que nous n'étions pas capables de les dominer, c'est vers notre Seigneur que nous, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. » Donc ça c'est verset 12, 13, 14. Donc encore une fois on voit le terme « Istawa »« hein, Ala »« Istawa Ala » استوى عليه إذا استويتم عليه لتستووا على ظهوره الرحمن على الأرش استوى. Donc le terme استوى c'est toujours le même, hein, toujours le même verbe. Et donc il explique, le cheikh il dit, donc le fait de monter sur le trône, de s'élever sur le trône, ça c'est prouvé par de nombreux versets et de nombreux hadiths. Il dit Al-Kursi, Kursi al-Rahman, Jalla wa'ala, ghayru al-ilm, wa ghayru al-arsh. Faman fassara al-Kursi bi'annahu al-ilm, fa huwa min ahli al-bid'a. Donc il dit le Kursi de Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la science, et ce n'est pas le trône. Il dit si quelqu'un interprète le Kursi comme étant la science, il fait partie des gens de bid'a. Si il dit le Kursi c'est le trône, il fait partie des gens de bid'a. Et il dit بخلاف من فسر الكرسي بانه العرش فان هذا غلط غلط. Il dit contrairement à celui qui dit à propos du Kursi que c'est le trône, il dit ça c'est une erreur. S'il dit que le Kursi c'est la science, il fait partie des gens de bid'a, sauf que s'il dit que le Kursi c'est le trône, ça c'est une erreur. Il dit pourquoi? Parce que لانه منقول عن بعض السلف لكنه غلط. Parce que ça a été rapporté de la part de certains d'entre les salafs, mais c'est une erreur. فَإِنَّ الْكُرْسِي غَيْرَ الْعَرْشِ لِأَنَّ مَادَّةَ الْكُرْسِي مَأْخُوذٌ مِنَ الْجَمْعِ أَمَّا الْعَرْشِ فَمَأْخُوذٌ مِنَ الْإِرْتِفَاعِ. أي نعم. وذلك أي نعم. وكذلك ما دلت عليه السنة من أن العرش يستوي عليه الرحمن جل وعلا والكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا. Donc il y a également comme les preuves de la sunna qui indiquent que le trône, Allah subhanahu wa ta'ala s'élève au-dessus, tandis que le kursi c'est l'endroit où le Seigneur pose ses pieds, hein, l'endroit où il met ses pieds. Et il dit فَإِذَا نَقُولْ الصَّحِيح أَنَّ الْكُرْسِي غَيْرَ الْعَرْشِ وَأَنَّ الْكُرْسِي كُرْسِي الرَّحْمَنِ مخلوق عظيم وسع السماوات والارض. Donc on dit qu'est-ce qui est correct, c'est quoi? C'est que le kursi ce n'est pas le arsh, ce n'est pas le trône. Le kursi d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une grosse créature qui est plus vaste que les cieux et la terre. Non. Il y a certaines personnes qui ont mentionné ça, ils disent ça a été rapporté par certains salafs, mais c'est une erreur. Oui, ça, bon, ils ont traduit dans, comme tu dis, dans la traduction en français, qu'ils ont traduit le terme kursi par trône, hein, et même ils disent le verset du trône en français, et ça c'est une erreur. C'est incorrect de traduire le verset du trône par Ayatul Kursi. Il y en a de traduire Ayatul Kursi par le verset du trône, c'est incorrect. Et c'est une erreur. Non. Ayatul Kursi, dans la traduction en français, ils ont écrit le trône. Ça, c'est une erreur. Parce que le trône, c'est l'arche. C'est pas le Kursi. Tu comprends? Naam. Donc, ensuite. Donc, on a lu ensuite l'autre. Le kursi, c'est le repose-pied. Ouais, ou le pose-pied. Ouais. Mawdi'u al-qadamayn. Ok, bon. Ok, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, ok. On a lu assez. Donc, on continuera ça au prochain cours, Inch'Allah. Juste noter où est-ce qu'on est rendu pour qu'on ne soit pas perdu la prochaine fois. Inch'Allah. On s'arrête donc maintenant, puis là, au prochain cours on continuera avec la parole d'un autre savant que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a cité, puis on expliquera certains détails et certains points à ce moment-là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين